C'était l'aventure. Et c'était l'aventure. De la petite pâquerette. La petite pâquerette. Oui. Une petite pâquerette rencontre un trèfle. Ils arrivent à une grande forêt. Près d'une ferme et d'un champ. Une pomme de pin. Le pomme de pin.